Il progresse trop comme après un bras de fer dans un bras qu'au frère. On veut le coffre sans se faire coffrer. Coco, beaucoup de feeling et une tête de sky. Chili en style général comme filé par la flic rail. Il progresse trop comme après un bras de fer dans un bras qu'au frère. On veut le coffre sans se faire coffrer. Et Sheridan, Sheridan, c'est tout leur offre. Pas Star quoi avec Serpou, mais Star ton frérot. C'est Barcara, Minogram. Sûrement les yeux braqués et on en a brisé à force de craquer. Dehors c'est la brise, ici c'est bang bang. Bang bang, bling bling, bling bling. Gang bang, gang bang, baby. Un poème nos vies, moi, un cavale de mouette. On est bon à souhait et non mauvais en soi, moi. Fais pas l'amour, moi je baise. Même pas sur les baises, mais un mouf, m'en fous moi, fais pas l'amour. Une putain de larme dans la voix pour tuer. Tu veux du rap, t'en fous moi. T'as des larmes dans la voix. C'est ça que les coups partent, tous les loups partent. Tous coupables, plein d'être aux îles, on j'tarde. Des mal, des marmots, des mâles, des mots et des joies. Moi, un chemin de croix. Avec on te l'airait, sans bruit pour se bec. Toujours les mêmes couilles à ça. Des marmots, des marmots, des mâles, des mots et des joies. Moi, un chemin de croix. J'aime bien, c'est pas le Bronx. Ici les gis sont des Windsor. Un des côtés de star ou des bizarres. De quel abysé, sa bise et sa baisse. Sans bruit pour se baie. Toujours les mêmes couilles à sa baie. Assez. C'est comme ça que m'appelle est Dréré. J'en place une pour une boche. Et par Georges Henri Tassé. Fais péter tes talons carrés. Dimanche au carré, j'suis dans le carré. VIP. Les buts c'est ma clique. Ma clique aime les buts. Demande à mes potes. Jusqu'à Ruta Scott on recrute. C'est la merde. Et sur mes decks ça se répercute. De plus en plus de petits frères rentrent dans le circuit. Black contre black, gun contre gun, jeune contre jeune. Ça se mafaque pour un regard, une chienne. Les cornes ou les écrous, je drapé des brouilles. Bix, c'est la merde dans ce trou. Bix, c'est là que les coupables, tous les loups parlent. Tous coupables, un deck aussi, sont stars. Bix, des mâles, des marmots, des mâles, des mots et des joies. Moi, un chemin de croix. Avec on dirait, sans bruit pour se bébé. Toujours les mêmes couilles à saber. Des mâles, ouais. Des marmots, ouais. Des mâles, ouais. Des mots et des joies. Ouais, la semaine 3. Dans ma vie, les jeunes sont comme fous, la fougue. Comme fou on l'avoue, y'a peu de Kaira mais bien trop de faux comme partout. Les Redskins c'est pas gauche, cheveux crépus. Bon c'est pas années sont considérés comme répus. Ni un tout collabo avec les hommes d'état. Des faux témoignages classés, ici on a des tas. Ici on a des tasses, mais on n'aime plus les faces. Le face à face remplace par la bouteille qui se casse sur ta tête. Là c'est fait t'es wanted. C'est là qu'on voit si t'es Tupac ou si t'es 112. BX, BX, ce n'est pas une ville de rêve, Dreddy. Les enfants grandissent pas comme la petite dans la prairie. Dunia, Enya, Boras. Moi je connais Boras, tu veux te fumaser. Moi je frappe comme Golden Axe, c'est pas mon discours. Entends plutôt le chant des loups. Tu connais mon crew. Hey, c'est là que les coupables, tous les loups parlent. Tous coupables, un deck aussi, son star. Des mâles, des marmots, des mâles, des mots et des joies. Moi, un chemin de croix. Akela ne se sent plus. Akela se respire. Aïe. Et les miches de BX respirent les effluves d'Akela. Dans ce monde de pute, je veux Z-Mac comme mon pote Brice. Dans le son, c'est Dasum que je revends, mec. Demandatrice, comme Esta, c'est des L en Gesta. Gesta, je défends mon équipe comme Nesta. Si je marche, je laisse sur ma horde. Ce qui m'étonnerait, mais si c'est le cas, tu peux m'attribuer une joie mort. BX, lyrique irrévérencieux. Arruina, dédicace au silencieux. Bon, on lance une chill ou quoi? RP, vive le général, fête. On boule des dégâts, toujours official, bref. BX, City, trop souvent la même. Mais c'est aussi ici que vivent tous les gens que j'aime. Yo. C'est là que les coups partent, tous les loups parlent. Tous coupables, un deck aussi, sont stars. Des mâles, des marmots, des mâles, des mots et des joies. Moi, un chemin de croix. Avec on dirait, sans bruit pour se bébé. Toujours les mêmes couilles à saber. Des mâles, des marmots, des mâles, des mots et des joies. Moi, un chemin de croix.